Criminel, pas de préliminaire, sans pression on peut t'éliminer. Ça pousse à fond devant la proc à la barre. Coffre des colis, des briques canadores. Je savoure la vie avec un bac la oua. Qu'est-ce qu'il est méchant la bac la douane. Tu sais qu'on les baisse sans mettre le doigt. C'est dans la chebou que je crache la mora. Ça peine fort, oui ça va cette année. Beaucoup de délitaires, ça va stano. Maîtrise leur intérêt comme Jara la sana. Chouchou, je dépétasse comme Dodo la saumure. Les ouais la soirée mais je finis comme Suarez. Sonne comme un chéguier, j'ai le sourire à Samos. Ça sonne comme un chéguier, j'ai le sourire à Samos. 5 sur 5, ennemi, viseur, un kill, j'm'arrache. Il reste la poudre sur la calage. Cagoulé, y'a pas de nom sur la ganache. Chiki, taka, kaka, 2, la compo des gunners. Elle donne son café pour un cara. Y'a déjà son bluetooth dans les carrosses. Fume la paix, they want a photo. Business à temps plein, les favos, finaux, j'les feinte. Fume la paix, j'me bouge les orteils. Qu'est-ce qui guette à bande, donc c'était passé. Fume la paix, mais voulez cocaïne. Nice.